Chapitre 2e. Je n'avais pas encore pu voir l'original conseiller. Sa maison l'occupait tellement qu'il ne s'était pas montré chez le professeur M, où il avait coutume de dîner une fois chaque semaine. Il lui avait même dit qu'il ne franchirait pas la porte de son jardin avant l'inauguration de sa nouvelle demeure. Tous les amis et toutes les connaissances de Crespel s'attendaient à un grand repas à cette occasion. Mais Crespel n'invita que les maîtres, les compagnons et les apprentis qui avaient coopéré à la construction du bâtiment. Il les traita de la façon la plus splendide. Des maçons entamaient de fins pâtés de venaison, de pauvres menuisiers se régalaient de faisans dorés, et les truffes, les poissons monstrueux, les fruits les plus rares, étaient entassés en abondance devant les malheureux. Le soir vinrent leurs femmes et leurs filles, et il y eut un grand bal. Crespel valsa plusieurs fois avec les femmes de maître, puis alla se placer au milieu de l'orchestre, prit un violon, et il dirigea les contredanses jusqu'au matin. Quelques jours après cette farce, qui donna au conseil Crespel le renom d'un ami du peuple, je le trouvai chez son ami, le professeur M. Sa conduite fut des plus singulières. Ses mouvements étaient si brusques et si gênés que je m'attendais à chaque instant à le voir se blesser ou à briser quelques meubles. Mais ce malheur n'arriva pas, et on ne le redoutait pas sans doute, car la maîtresse de la maison ne montra nulle inquiétude, en le voyant tourner à grands pas autour d'une table chargée de tasses de porcelaine, manœuvrer près d'un grand miroir, et prendre dans ses mains un vase de fleurs admirablement peint pour en admirer les couleurs. En général, Crespel examina dans le plus grand détail, avant le repas, tout ce qui se trouvait dans la chambre du professeur. Il alla même jusqu'à monter sur un fauteuil et détacher un tableau pour le lorgner plus à l'aise. À table, il parla beaucoup et avec une chaleur extrême, passant quelquefois d'une chose à une autre sans transition, souvent s'étendant sur un sujet jusqu'à l'épuiser, y revenant sans cesse, le retournant de mille manières, s'abandonnant à 20 digressions d'une longueur infinie et qui toutes ramenaient le sujet éternel. Sa parole était tantôt rauque et criarde, tantôt basse et modulée, mais jamais elle ne convenait à ce dont il parlait. Il fut question de musique et on vanta fort un nouveau compositeur. Crespel se mit à rire et dit d'un ton doux et presque chantant « Je voudrais que Satan portât ce maudit aligneur de notes à 10 millions de toises au fond des enfers. » Puis il ajouta d'une voix terrible « Elle, c'est un ange du ciel, c'est un tout divin formé des accords les plus purs. La lumière est l'astre du chant. » À ces mots, ses yeux se remplirent de larmes. Il fallut qu'on se souvînt qu'une heure auparavant, il avait été question d'une cantatrice célèbre. On servit un rôti de lièvre. Je remarquai que Crespel séparait soigneusement sur son assiette les os de la chair et qu'il s'informa longuement de la pâte que la fille du professeur, enfant de 5 ans, lui apporta en riant. Pendant le repas, le conseiller avait regardé plusieurs fois les enfants d'un air amical. Ils se levèrent à la fin du repas, s'approchèrent de lui, non sans quelque crainte toutefois, et sans se tenir à 3 pas. On apporta le dessert. Le conseiller tira de sa poche une jolie cassette dans laquelle se trouvait un petit tour d'acier. Prenant alors un os du lièvre qu'il avait mis à part, il se mit à le tourner et confectionna avec une vitesse et une rapidité incroyables de petites boîtes, des boules, des quilles, des corbeilles et 1000 autres bagatelles que les enfants reçurent en poussant des cris de joie. Au moment de se lever de table, la nièce du professeur dit à Crespel « Que devient notre bon Anthony, cher conseiller ?» Crespel fit une grimace affreuse et son visage prit une expression diabolique. « Notre douce Anthony » répéta-t-il d'une voix aussi douce que désagréable. Le professeur s'avança vivement. Je lus dans le regard sévère qu'il lança à sa nièce qu'elle avait touché une corde qui résonnait d'une manière dissonante dans l'âme de Crespel. « Comment va le violon ?» demanda le professeur d'un ton gaillard en prenant les mains du conseiller. Le visage de Crespel s'éclaircit et il répondit d'une voix tonnante « Admirablement, professeur. Vous savez, ce beau violon d'Amati dont je vous ai parlé et qu'un heureux hasard a fait tomber dans mes mains. J'ai commencé à le mettre en pièces aujourd'hui. J'espère qu'Anthony aura soigneusement achevé de le briser. Anthony est une bonne fille, dit le professeur. Oui, vraiment, elle l'est, s'écria le conseiller en se retournant subitement pour prendre sa canne et son chapeau et en gagnant la porte. Je vis dans la glace que de grosses larmes roulaient dans ses yeux. Dès que Crespel fut parti, je pressai le professeur de me dire quel rapport le conseiller avait avec les violons et surtout avec Anthony. « Ah, dit le professeur, le conseiller est un homme tout à fait merveilleux et il fait des violons d'une manière aussi folle qu'il fait tout le reste. »« Il fait des violons ? » demandai-je tout étonné. « Oui, reprit le professeur. Crespel confectionne, au dire des connaisseurs, les meilleurs violons que l'on connaisse depuis bien des années. Autrefois, quand il avait fait un bon instrument, il permettait à ses amis de s'en servir. Mais depuis quelque temps, il n'en est plus ainsi. Dès que Crespel a achevé un violon, il en joue lui-même, une heure ou deux, avec une puissance admirable et une expression entraînante, puis il l'accroche auprès des autres, sans jamais y toucher et sans souffrir qu'on y touche. Quand un violon d'un ancien maître se trouve en vente, Crespel l'achète à quelque prix qu'on veuille le vendre. Mais il agit à peu près de même avec les violons qu'il fait. Il en joue une seule fois, puis il le démonte pour en examiner la structure intérieure, et s'il n'y découvre pas ce qu'il cherche, il en jette les débris d'un air mécontent dans une grande caisse qui est déjà remplie de débris de violons. « Mais Anthony ? » demandai-je avec vivacité. « Quant à cela, dit le professeur, c'est une chose qui me ferait abhorrer le conseiller, si la bonté de son caractère, qui va jusqu'à la faiblesse, ne me donnait la certitude qu'il y a là quelques circonstances ignorées. Lorsqu'il y a quelques années, le conseiller vint s'établir ici, il vivait en solitaire avec une vieille servante dans une maison obscure d'une rue éloignée. Bientôt, il éveilla, par mille singularités, la curiosité de ses voisins, et dès qu'il remarqua que l'attention se portait sur lui, il chercha et trouva des connaissances. Partout, comme dans ma maison, on s'accoutuma à le voir, et bientôt il devint indispensable. Son abord brusque et sévère n'empêcha pas les enfants de le chérir, et son air imposant le préservait en même temps de leurs importunités. Vous avez vu aujourd'hui vous-même par quelles séductions variées il sait gagner leur cœur. Après avoir séjourné ici quelque temps, il partit tout à coup sans que personne connût le lieu où il s'était retiré. Quelques mois après, il revint. Dans la soirée qui suivit le retour de Crespel, on vit ses fenêtres éclairées d'une façon extraordinaire. Cette circonstance éveilla l'attention des voisins, et on ne tarda pas à entendre une voix ravissante, une voix de femme, accompagnée par un piano. Puis on entendit le son d'un violon qui luttait d'énergie, de force et de souplesse avec la voix. On reconnut aussitôt que c'était le conseiller qui jouait de cet instrument. Moi-même, je me mêlai à la foule immense que ce merveilleux concert avait rassemblé autour de la maison du conseiller, et je dois convenir qu'auprès de cette voix pénétrante, le chant de la plus célèbre cantatrice m'eût semblé fade et sans expression. Jamais je n'avais conçu l'idée de ces sons si longtemps soutenus, de ces triments du rossignol, de ces gammes s'élevant tantôt jusqu'au son de l'orgue et tantôt descendant jusqu'au murmure le plus léger. Il ne se trouvait personne qui ne fût sous le charme de cet enchantement, et lorsque la cantatrice gardait le silence, on entendait chacun reprendre haleine, tant le silence était profond. Il était près de minuit lorsqu'on entendit le conseiller parler violemment. Une voix d'homme lui répondait et semblait lui faire des reproches, et la voix entrecoupée d'une jeune fille exprimait des accents plaintifs. Le conseiller parlait toujours avec plus de colère, jusqu'à ce qu'enfin sa voix reprît le ton chantant que vous lui connaissez. Un cri perçant de la jeune fille l'interrompit, puis il régna un profond silence. Quelques moments après, un jeune homme se précipita en gémissant hors de la maison et se jeta dans une chaise de poste qui l'attendait et qui partit rapidement. Le jour suivant, le conseiller parut et se montra fort serein. Personne n'eut le courage de l'interroger sur les événements de la nuit. La vieille servante dit seulement que le conseiller avait amené avec lui une charmante fille qu'il nommait Anthony et qui chantait merveilleusement, qu'un jeune homme l'avait également accompagnée. Il semblait aimer tendrement Anthony, et il était sans doute son fiancé, mais le conseiller l'avait forcé de partir subitement. Les rapports du conseiller avec Anthony ont été jusqu'à ce jour un mystère, mais il est certain qu'il tyrannise la pauvre fille de la manière la plus odieuse. Il la garde comme le docteur Bartolo gardait sa pupille, et à peine permet-il qu'elle regarde par la fenêtre. Si, quelquefois, cédant à de pressantes instances, il l'amène avec lui, sans cesse il la poursuit de ses regards, et il ne souffre pas qu'on fasse entendre un seul accent musical près d'elle, encore moins quand on y chante. Il ne lui permet pas non plus de chanter dans sa maison. Aussi, le chant qu'elle a fait entendre dans cette nuit mémorable est demeuré comme une tradition, et ceux même qui ne s'y trouvèrent pas disent souvent, lorsqu'une cantatrice nouvelle vient débuter, « Ce chant-là n'est rien. Anthony seul sait chanter. »